bon, presque début de mois, là, c'est la fin du mois de mars. Hey, s'il peut finir, hein? Hey, Colin, oui, s'il peut finir qu'on arrête de partir notre automobile le matin et avoir de la misère à la partir. À un moment donné, si t'as été trop là, peut-être qu'en avril, elle sera plus là. Ah, c'est Flampus. Un petit oiseau en studio. Wow. Pour l'instant, Mathieu, est-ce qu'on fait tirer? Ah! Des céréales! Des céréales! Est-ce que mon talent d'acteur pourrait être plus mauvais? Des céréales! Les nouvelles de Radio-Canada sont tout à sa coche. Oui, oui. Donc, Mathieu, elle s'est trompée, par exemple. Elle a fait une petite faute à quelque part. Hein? Je me rappelle. Elle s'est enfargée quelque part. C'est mes taxes qui payent ça! Inacceptable! Outrage au tribunal. Elle ferait pas mon rapport d'impôt. François Olivier, merci d'avoir animé avec moi, comme toujours. C'est un plaisir, Mathieu. T'es fin. Tout est beau. Ah ouais? Ouais. Ah. Bon. Ben, je suis gêné. Pas plaisir. Je suis rouge. Tout à fait. Philippe Poisson qui a gagné un ensemble de Cheerios. Donc, félicitations à toi, Philippe Poisson. Félicitations, blou blou. Blou blou blou blou blou blou blou. Dans sa langue maternelle. Évidemment, les palmarès, c'est fou. Ça, c'est les jeudis après-midi à 14h. Dois-je vous le rappeler? Animé par Mathieu Plante. Je l'aurais pas rappelé nécessairement parce que ça donne pas vraiment envie d'écouter. Bon. La grande chef d'Il danse avec les genoux à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Ça t'a fait peur, ça, cette fin-là? Oui. Ça fait mal aux oreilles, ça, Mathieu. OK, ben on va le réécouter d'abord. Alors, remets ça. Non, c'est pas celle-là. Celle-là? Non. Je sais qu'on peut. Celle-là. Non, hey, Matt. Oui, vas-y. Non! Non! Je voulais te parler de quoi de sérieux. Ah, excuse-moi. Vas-y. C'était plate comme fin. Je te referai plus ça. Et puis, après ça, on fait tirer des céréales. Oh, des céréales musicales? Musicales, on va essayer. C'est pas certain. Là. Mettons, je me mets des Cheerios dans les oreilles. Là. Qu'est-ce que j'entendrais la mer? Elle est pêche, je pourrais t'écraser dans l'oreille puis il pourrait rentrer encore plus profond. Mais j'aimerais ça. Ah, peut-être que si tu mets des Cheerios dans tes oreilles, t'entends une pinte de lait. Peut-être. Ou peut-être pas. On est à quelques minutes de Maxime Le Mieux Armé qui vient d'entrer dans un top modeste. C'est comme un arbitre, mais avec les lignes à la verticale ou d'horizontale. C'est les arbitres, d'habitude, ils ont les lignes. Ils sont vraiment à la verticale. Les arbitres. Ah, ouais, pour vrai? Ah. Oui, ça commence aujourd'hui. Ça commence là, maintenant. Non, ce n'est pas un coup de pratique. Voir si c'est fou aurait le budget pour qu'on puisse faire une émission de pratique avant chaque émission. Pas question. Voilà pour le poste d'écoute présenté par Rassemblage. Wow, ça fait juste bien. Ben oui, c'est comme si j'avais accéléré ma cadence, mon débit pour réussir à arriver dans la pièce. Ça paraît pas du tout, ça. Non, non, je chantais ce matin. Oui, tu pleurais pas? Hein? Tu pleurais pas? Non. T'étais content? J'étais content. Ou elle te fait rire de plaisir? Non, j'étais content. Okay. Pour rire de plaisir, puis non, je pleurais pas. Bon. Bon, ça va faire les émotions, hein? Les vrais gars virils! Toi, Mathieu, ta fin de semaine? Ah, tranquille aussi. Fin de semaine, j'aime ma fin de semaine de ces temps-ci. Ma copine était en vacances cette semaine. Ah ouais? Et puis, on se voit enfin, c'est rare. Je la salue, d'ailleurs. Si elle écoute, ce qui est sûrement pas le cas, elle doit être en train de magasiner. T'sais, les journées de vacances pour les filles, c'est de 7h à... Pas magasiner à 9h le matin. Non, je blague. Assemblage requis en pièces détachées. Ah, c'est quoi cet assemblage requis dont j'entends tout le temps parler? Ça va, toi, matin? Oui, ça va.